Yes, bravo. And continue now with the final dialogue in this unit. Mademoiselle. Oui, madame. Est-ce qu'il y a une librairie par ici? Une librairie? Je ne sais pas. Un instant. François, il y a une librairie par ici? Wait a minute. I want to buy a dictionary. D'accord. Well, librairie, that sounds like library. Ah non, non. For you, that is another... Vos amis? C'est ça. En français, une librairie, c'est un magasin pour acheter des livres. Where you buy books. A bookshop? C'est ça, a bookshop. Right, je comprends. Une librairie is a bookshop. So, what's a library? C'est une bibliothèque. Une bibliothèque. Une bibliothèque. Madame, vous voulez une librairie? Oui. Je ne sais pas s'il y a une librairie par ici, mais à la réception, il y a un guide de tous les magasins du quartier. Oh, ben très bien. Merci beaucoup. De rien, madame.